L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La LB Gym de Vendeuvre se ligue contre le cancer. Le club de gymnastique organise en effet un spectacle. Ce sera ce dimanche 15 janvier. Pour nous en parler, nous avons en studio Xavier Gosser. Bonjour. Bonjour. Entraîneur donc au club c'est de gym. C'est ça, exactement. Entraîneur au club de gymnastique. C'est ma quatrième année maintenant en tant que salarié et bénévole déjà bien avant. Depuis longue date, je veux dire un petit 7 ans de bénévolat à peu près. Un petit portrait peut-être de ce jeune club de gym qui existe quand même depuis les années 60. Vous avez fait vos 60 ans l'année dernière. C'est ça, ouais. Donc 60 ans de gymnastique depuis 1962, créé par un conseil de parents à l'école Brossolette à Vendeuvre qui voulait créer un club de gymnastique. D'abord installé au gymnase du Charmois à Vendeuvre pendant quelques années et jusqu'à la création de notre belle salle de gymnastique rue de Crévic à Vendeuvre depuis 2001. Le gymnase Gérard Jacques. C'est ça, ouais. C'est ça, et c'est là que ça se passera dimanche prochain. Exactement. Hein, ça sera l'occasion de découvrir aussi, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Mais pour faire le portrait aujourd'hui, donc en 2023, du club, c'est combien d'adhérents, c'est combien de disciplines au club de gym ? Actuellement, on est dans les alentours de 950 licenciés. Donc on est énorme, l'une des plus grosses associations de Vendeuvre. Un énorme club de gym d'ailleurs dans la région, vraiment avec une explosion des licences depuis quelques temps. On est actuellement autour de, que je vous dise pas de bêtises, nous avons la Baby Gym, la GAF, donc la gymnastique artistique féminine, la GAM, la gymnastique artistique masculine, la GR pour la gymnastique rythmique, et le trampoline et le freestyle, qu'on est à 6 disciplines au total. Et le plus jeune, à quel âge ? On va dire aux alentours de 1 an. Un an, voilà, c'est vraiment la découverte. C'est ça, ouais. Donc c'est de la baby gym avec les parents pour commencer, où c'est la découverte de son corps dans l'espace, comment se mouvoir, prendre à rouler, sauter, ces petites choses. Et la pratique de la gym, ça peut aller jusque quel âge ? Je serais tenté de dire tant qu'on tient debout. J'ai un groupe adulte le lundi soir, justement, qui vient s'entraîner, et j'accueille autant des jeunes adultes qui sont aux alentours de 16 ans pour le début du groupe, jusqu'à tant qu'on souhaite continuer, il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. Donc toi tu es entraîneur au club de gym, avec une préférence peut-être dans une des pratiques Vous présentez, c'est quoi ? Du coup je suis spécialisé en trampoline et en freestyle, donc en parcours, les Yamakasi pour bien se le figurer. Oui. Voilà, c'est mes deux disciplines de cœur et de prédilection qui sont réalisés par moi-même au club. Cette passion pour cette discipline, ça vient de loin ? Autant le parcours, oui, parce que j'ai découvert ça quand j'étais gamin avec des vidéos de David Bell, qui est le fils du créateur, on pourrait dire, du parcours moderne comme on le voit maintenant, et de Damien Walter, qui est un anglophone qui fait du contenu fantastique en gym et en free running, qui est du parcours mais avec plus de salto. Voilà, et j'ai découvert ça quand j'étais gamin, j'en suis devenu accro, on va dire. Et j'ai voulu pratiquer, j'ai continué et finalement j'ai découvert le trampoline par la suite vers l'âge de 13 ans à peu près, donc à la LB Gym Vendeuvre. Oui. Et depuis je suis dans ce club, un fier fervent défenseur du trampoline. Voilà, commencé comme bénévole et aujourd'hui entraîneur. C'est ça, exactement. J'ai fait une petite année où j'étais que licencié et par la suite j'ai passé quelques formations pour l'aide animateur, l'animateur, l'initiateur, un petit service civique au milieu et suivi du BPJEPS pour devenir entraîneur là où je suis actuellement. Vous avez cité 6 disciplines, quelle est la part du côté compétition, du côté loisir ? On a les deux, on a une très très grosse scène loisir qui va de, donc comme je l'ai dit, de vers un an jusqu'à comme on tient debout. Ça, il n'y a aucun problème, libre à tous, peu importe le niveau, on accepte tout le monde. Et on a également à côté de cela, une scène compétitive sur toutes nos disciplines, sauf le freestyle qui est encore en plein essor de la compétition au niveau de la Fédé. Votre actualité, c'est notamment ce spectacle qui sera organisé dimanche prochain au gymnase de Gérard Jacques, rue Crévic à Vendeuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Pourquoi déjà ce rendez-vous pour la lutte contre le cancer ? Je suis très attaché au monde caritatif depuis quelques années. Je ne sais pas si vous connaissez Zerator, qui est un créateur de contenu sur YouTube, qui tous les ans lance le Z-Event, un gros événement avec tous les gros streamers français, on va dire, et autres pour un but caritatif sur une association. Et je me suis découvert également une passion pour ce monde caritatif et j'avais envie de mettre le pied dedans et de lancer un petit peu ma propre action pour aider. Donc ça a commencé par les Restos du Cœur l'année dernière, sur une semaine où on a récolté à peu près 90 kilos de fournitures. Et donc cette année, à nouveau les Restos du Cœur sur toute la semaine de lundi à samedi et pour finaliser le spectacle sur la Ligue contre le cancer dimanche. Ce sera à partir de 13h au gymnase de Gérard Jacques, je le rappelle. Qu'est-ce qui va se passer sur place ? Alors, discours introduction, bien évidemment. Bien sûr. Voilà, on va parler de la Ligue quand même, dire pourquoi on travaille avec eux, pourquoi c'est si important d'essayer de les aider. Et par la suite, spectacle de gymnastique, de danse et de musique. car nous accueillons donc nos propres gymnastes en compétition qui viennent faire des démonstrations sur leurs agrès. Donc on fera un petit peu de barre asymétrique, un petit peu de poutre, du sol pour les garçons, les filles, ainsi que la gymnastique rythmique. Il y aura des passages anneaux et barres fixes également pour les garçons. Nous aurons de la GAC, de la gymnastique acrobatique, donc les personnes qui font des pyramides avec un petit peu de choré dedans, qui viennent de Pont-à-Mousson. On a deux trios qui ont bien voulu se prêter au jeu et venir participer. Donc des garçons de Tomblaine également pour la gamme. Et à côté de ça, on a donc le groupe de hip-hop de la MJC Étoile de Vendeuvre, l'école de musique de Vendeuvre, ainsi que le groupe de guitare de la MJC Lorraine. La LB Gym se ligue contre le cancer, ce sera la première fois cette année. Oui, c'est ça. Vous avez donc préparé en amont avec tous les membres du club. Il y a une petite appréhension pour certains ? Non, je pense que ça devrait aller. Ils ont tous à peu près déjà fait au moins une compétition ou un regroupement pour se montrer en public. Alors après, c'est sûr, il y a bien évidemment les plus jeunes qui vont peut-être être un peu stressés de passer devant autant de monde, du moins je l'espère. Et même, je serais tenté de dire, pour les plus grands, il y a toujours cette appréhension de la perfection, de ne pas faire tomber son engin ou de ne pas chuter de l'agré. Donc bien sûr, il y a toujours ce petit stress qui reste en jeu, mais c'est du bon stress. Il y aura aussi d'autres animations sur place, peut-être ? Oui. Donc la Ligue contre le cancer tiendra un stand pour pouvoir donner des informations supplémentaires, délivrer quelques petits goodies également, et puis bien sûr, faire parler d'elle, puisque c'est quand même l'action principale. À côté de ça, donc, il y aura une petite buvette pour ceux qui souhaitent se restaurer. Et à côté de ça, il y aura quelques stands d'animation, tels que, je l'espère, une grande fresque à dessin libre cours à chacun, qui sera ensuite par la suite redonnée à la Ligue contre le cancer pour habiller leurs locaux. Des lettres anonymes ou non pour les personnes malades qui, quant à elles, seront données à l'ICL, donc l'Institut de cancérologie de Lorraine, et peut-être une animation origami pour le petit flot de la Ligue contre le cancer. Donc c'est à partir de 13h ce dimanche 15 janvier au gymnase Gérard-Jacques, rue de Crévic à Vendeuvre. L'entrée est gratuite ? C'est ça, oui. On vient comme ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance ? Non, du tout. L'entrée est gratuite, sans liste d'entrée. Venez nombreux si vous le souhaitez. Et vous avez évoqué aussi la collecte pour les Restos du Cœur encore toute la semaine. Hein. C'est ça, oui. Alors comment ça se passe pour ça ? Et bah, très simplement, il y aura un petit stand qui sera disposé à l'entrée où vous pourrez venir déposer des denrées alimentaires non périssables ainsi que des produits d'hygiène. Voilà pour l'actualité toute proche du club LB Gym de Vendeuvre. D'autres projets à venir dans les semaines et mois à venir ? Pour l'instant, je serais tenté de vous dire je ne sais pas. Voilà, je verrai bien. Peut-être d'autres projets caritatifs si l'année le veut. Sinon, bah, notre scène actuelle sur nos compétitions qui viennent à se dérouler incessamment sous peu et peut-être d'autres projets qui se mettront en place. Merci beaucoup Xavier. Mais de rien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.